doublette suivante dans l'aspect française, Indiegraven, qui a bénéficié d'un sympathique focus dispensé par l'ami Thibaut dimanche dernier. Hein, pour rappel, c'est une jeune formation de Doom qui nous vient de Toulouse. Un premier EP est sorti en 2020 et leur tout premier album et studio est sorti en 2021. Indiegraven, c'est surtout porté par la voix d'une chanteuse hypnotique, planante et en même temps incantatoire. C'est pas forcément le genre de Doom qui m'accroche musicalement, mais il faut noter que la voix a vraiment un apport transcendantal très important. Je pense que d'ailleurs le nom de l'album n'y est pas pour rien, Looking for Transcendence. Et dans la foulée, Mineral Reflectance, nouveau projet porté par l'ex-guitariste de Akphasia. Groupe orléanais. On est sur une base black prog avec des éléments death divers et variés. Quelle est la particularité conceptuelle de cet album et du groupe, en fait, c'est que tout est basé autour de la thérapie minérale. Et en fait on retrouve plein de chanteurs, un chanteur par titre en fait, de Nessaria, de Carnival in Call, de Deviant Meshia, etc. etc. Et voilà, chacun vient partager sur une expérience autour d'un minéral. Et le titre d'aujourd'hui s'intitule Quartz. Et dessus, on retrouve l'ex-vocaliste de Nessaria, Julien. Et l'album s'intitule Des chemins de vie, Mineral Reflectance. Et juste avant ça, Indiegraven, c'est parti. Yeah. La doublette suivante va nous faire quitter l'aspect française et on va même faire un petit détour par chez nos cousins du Grand Ouest nordique. Nous aurons donc Feral, dernière nouveauté française pour ce soir. Groupe de crusty grind hardcoreisant qui compte dans ses rangs des membres de Morgue et autres Stuntman. Ils sortent là leur second effort studio 6 ans après le précédent. Au niveau des références du groupe, on se rapproche des formations telles que All Pig Must Die, Trap Them et Napalm Death, vraiment pour le côté grindcore. C'est donc radical comme musique ce que nous propose Feral. L'album est déjà disponible, il s'intitule Spiritual Void. On s'écoutera le titre The Great Reset et ensuite en doublette avec Feral, on s'écoutera un extrait du nouvel effort de Maul, groupe de Revival Heavy. Également, qui nous vient du Canada. L'album vient de sortir chez Gates of Hell Records. C'est pas du tout du coup renouvelant, hein. C'est pas du tout le but du revival d'ailleurs concernant Maul. Pourtant ça découline bien les années 80, ça tient bien la route et c'est efficace. Maul, un album éponyme, on s'écoutera le titre Sword Woman. C'est parti, Feral enchaîné à Maul. Invisible and gone. êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est toujours ensemble dans une émission, nouvelle émission en différé, ensemble jusqu'à 23h donc. Et eh bien, on est dans la dernière partie déjà de l'émission de ce soir. Sur quoi on va partir maintenant? Party Cannon, le groupe anglais qui nous fait du brutal death grind slamisant. Ils sortent là leur second album studio, 7 ans après le premier album. Bon, entre temps il y a eu un EP et un split. Party Cannon, j'étais pas forcément un très très grand fan, je crois qu'ils avaient un son assez merdique en fait, et puis surtout ce côté ultra festif dans le slam, enfin festivo ridicule, qui aurait plus collé sur du gore grind ou du porn grind machin, enfin du coup c'était un petit peu barbant à mon goût. Et ben là, ma foi, c'est vraiment une très bonne surprise sur ce nouveau 9 titres. On est sur environ 45 minutes d'album. Et ma foi, tout s'est amélioré au sein de la musique de Party Cannon, et il s'offre même le luxe de trois guest vocaux de haute volée. Nous avons notamment Ross Sewage, bien sûr la voix de Exhumed Ghoul ou encore Impaled, Don Kamman, qu'on ne présente plus, la voix de Waking the Cadaver, et Andrew Lomastro, vocaliste de Cerebral Incubation. Voilà, les présentations sont faites pour ce nouvel effort studio de Party Cannon. À noter qu'il est déjà disponible chez Garhouse Production. On s'écoutera le titre I Believe in Danny Fields. Bon, il y a toujours cet esprit ultra décalé, très très très second degré, voire même série Z. L'album s'intitule au passage Volumes of Vomit. En doublette avec Party Cannon, Mental Devastation, groupe qu'on vous a présenté la semaine dernière. On est sur du trash pure tradition Dark Angel Slayer. J'ai dit Dark Angel Slayer, pas du tout, au contraire, ils sont dans un truc un peu plus subtil que les deux formations que je viens de citer, des groupes tels que plutôt Forbidden ou Coroner, parce que ça reste un trash assez technique. Le groupe s'est formé en 2013, et puis pas grand chose depuis leur nouvel album en fin 2021. Mental Devastation, ça s'écoute super bien. Et l'album s'intitule The Delusional Misery of the Self Part 1, donc on est en droit d'espérer et d'attendre un troisième album dans pas très longtemps, et on s'écoutera le morceau Conquerors. C'est parti. I'm gonna have to apologize ahead of time, because I'm gonna stretch his ass like it's never been stretched before. l'avant-dernière doublette de ce soir. Deux salles, deux ambiances, une fois de plus, avec tout d'abord la formation venue du Grand Nord européen, Ereb Altor, 9e album studio pour le groupe de Viking Folk suédois, avec bon, de gros éléments et une bonne base black metal. Cependant, le titre qu'on vous propose ce soir est assez heavy et avec une grosse majorité de chants clairs. Et là, on est sur une grosse influence, encore une fois, de la période Viking, Bathory, Grand Magus et même les élans heavy de Primordial. Voilà donc pour le nouvel effort studio de Ereb Altor intitulé Vark Timman, une sortie Emerald Records. Et dans la foulée, une des dernières nouveautés de ce soir, Northwalk. Ça vient aussi du Nord, mais là on est de nouveau sur un groupe québécois. On est sur un bon crossover hardcore metal à la croisée de ce que peut nous proposer par exemple un Fall Brawl. Et c'est marrant, ça vient du Québec. Moi, je trouve que les breaks sont ultra inspirés des breaks deathcore de Despised Icon. Hein, le pont se fait aisément. Le groupe existe depuis une dizaine d'années. C'est là leur second effort studio. Et donc, on va les écouter juste après Ereb Altor, Northwalk. Le titre s'intitule Prime Time, extrait de leur album Crossroads, une sortie 1054 Records, tout comme Entertain the Terror d'ailleurs. Une sortie prévue le 21 janvier. la doublette de clôture pour l'émission d'aujourd'hui a cette petite particularité que l'on retrouve de nouveau deux chanteuses de la scène extrême. Nous avons tout d'abord Ernt pour la toute dernière nouveauté de ce soir. C'est une récente formation black metal qui nous vient de Suisse. Un duo, plus précisément. Ils sortent là leur premier effort studio longue durée, du BM traditionnel et bien bien cru. 8 titres pour 35 minutes, c'est direct, c'est fatal. Et donc voilà, dans ce duo, il y a donc une femme qui s'occupe du chant et qui pose quelques lignes de violon. Et puis derrière, nous avons donc son comparse qui gère tout le reste de la partie instrumentale. Ernt, ce premier effort studio s'intitule Geist und Exerei. Il est déjà disponible chez Vendetta Records. Et pour clôturer l'émission de ce soir, une fois de plus, Stebbing, la formation de Brutal Slam Death, enfin de Texas Brutal Death, l'appellation spécifique. Ravenous Psychotic Onslaught, c'est le nom de leur nouvel EP déjà dispo chez Comatose Music. On note de nouveau une vocaliste derrière le micro afin de travail extra. Et de mémoire, c'est également une bassiste dans le groupe. Ernt avec le titre Killing Phantasmagoria, Stebbing avec le titre Gutted by the Beast. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao ciao.